Chapitre 38e. Saïd Boucharif. Dutilleul s'était fait communiquer le vieux dossier, sali d'avoir été tant et tant manipulé, et une fois de plus, il l'étudiait à contre-cœur. Ce dossier, il pouvait le réciter à haute voix. Il en connaissait les moindres aléas, et chaque fois, quelque chose en lui hurlait. Ne peut-on pas leur foutre la paix? N'en ont-ils pas suffisamment soupé? À ses yeux, Saïd et Latifa Boucharif étaient des gens bien, honnêtes et travailleurs. Dutilleul repoussa la chemise cartonnée avec dégoût. Il préférait se remémorer les contacts qu'il avait eus avec Saïd Boucharif. Ce dernier lui avait raconté pourquoi il avait décidé de quitter l'Algérie, de remettre entièrement son sort entre les mains d'un bateau. Il avait amerri à Marseille, par une journée froide de février 1975. Vous comprenez, monsieur le commissaire, au pays je faisais partie des équipes de secours, en plus de mon métier de soudeur. On s'en sortait comme ci, comme ça, mais ça allait. J'avais le soleil au-dessus de la tête et la plus belle femme du monde dans mon lit. L'oncle me trouvait facilement du travail, et même si la maison n'était pas grande ni en très bon état, elle ne prenait pas la pluie. Je la réparais quand j'avais le temps. Vous savez, monsieur le commissaire, j'aurais jamais pensé à quitter le pays parce que les promesses de vie meilleure, c'est pour les politiciens, ça. J'ai toujours été méfiant. Je n'aimais pas trop les cousins qui jouaient les nababs en rentrant au pays. Je savais que ça cachait des choses, mais bon, comme je n'étais pas jaloux, ils pouvaient raconter ce qu'ils voulaient. Visiblement, ils aimaient écouter le son de leur voix et, comme je n'avais rien à raconter, ils pouvaient parler jusqu'à nuit noire. Le problème là-bas, c'est la pluie. Elle ne tombe pas pendant des mois. Il fait si sec que vous croyez que vous allez crever de soif tellement vous bouffez de la poussière. Puis un jour, alors même que vous n'avez pas prié plus que d'habitude, elle arrive et alors là, tous aux abris. Ce n'est pas la gentille pluie de Paris, celle qui caresse le dos et mouille le par-dessus, non. Chez nous, c'est une furie qui déboule et qui emporte tout sur son passage. Hommes, enfants, bêtes, murs. En quelques instants, elle devient une boue puante qui entre partout et recouvre tout. Des coulées comme cela, je peux dire que j'en ai vu et chaque fois, c'était plus dur de déblayer les débris, parce que vous ne savez jamais ce que vous allez trouver. Ma hantise était de voir apparaître un petit pied prisonnier de la gangue de boue, parce que je savais que c'était trop tard. Combien de fois ai-je serré de pauvres petits squelettes sur mon cœur, dans l'espoir insensé de leur insuffler un peu de vie? Chaque fois, mon cœur se révoltait contre les autorités qui promettaient, mais ne faisaient jamais rien. Les crédits alloués étaient dépensés en palabres sans fin devant une bonne table. Pendant que les tailles s'arrondissaient, nous, on attendait. On nous gavait de paroles mielleuses, mais dans les faits. Un jour, c'est le corps de l'une de mes nièces que j'ai extrait de la boue. Je l'ai reconnue tout de suite, parce qu'elle avait une tache sur le mollet. J'ai su qu'il me fallait annoncer la nouvelle à la maman. Ibtissem, qui était déjà si malheureuse. Le soir, je suis allé voir l'oncle pour qu'il paye le passage. Comme il savait que j'étais sérieux, il m'a donné l'argent pour le visa, les papiers et la place sur le bateau. Avec Latifa, on avait décidé que Ibtissem reprendrait la maison avec les filles, du moins celles qui restaient, et j'ai demandé à l'oncle de veiller à ce qu'il y ait toujours un petit chouïa à manger. Au début, elle n'a pas voulu parce qu'elle avait sa fierté, mais Latifa a fini par la convaincre. Bien sûr, celle-ci était triste de partir et elle a beaucoup pleuré de laisser sa sœur sur place, mais il fallait que quelqu'un reste pour prendre soin des filles. Elles étaient trop petites pour se débrouiller toutes seules, même si elles étaient très sages. Je savais que la vie ne serait pas facile, mais tant que l'oncle serait là, je lui avais fait promettre. On est parti à huit, Latifa, Samir, Brahim, Tassadit, Samia, Malik, Hossine et moi. Hassan et Jafar sont nés ici et j'en suis fier. Un bon ami de l'oncle nous attendait à l'arrivée du bateau. Un Français, Jean-René Dubois qu'il s'appelait. Un chouette gars. Il s'est bien occupé de nous. On n'a pas eu de problème pour les papiers. On était bien en règle. On est devenus copains parce qu'il était pompier volontaire. Comme on manquait toujours de bras à la caserne, surtout l'été, il m'a demandé si ça ne me dérangeait pas d'aider la brigade sur les gros incendies. J'acceptais, bien sûr. J'étais content qu'il me demande. Des feux, j'en avais éteint dans la casbah, même si ce n'était pas la même violence. En même temps, j'ai trouvé du boulot et Samir m'a suivi à l'usine. Les études, c'était pas son truc. Il voulait gagner de l'argent, alors je laissais faire. Brahim, lui, n'était pas plus doué que son frère pour les études, mais il n'avait pas l'âge pour être embauché à l'usine. Ça a été son malheur. Il est allé à l'école, mais ça ne lui plaisait pas. Il était trop vieux. Il avait trop de retard par rapport aux autres. Il y avait trop de choses qu'il n'avait pas apprises. En revanche, les filles se sont accrochées. J'étais fier de leurs cahiers bien tenus et de leurs notes. Elles ne faisaient pas d'histoire. Ils aidaient bien à la maison. Malik, le pauvre, avait décidé d'entrer qu'il ne ficherait rien, alors que sans doute c'était le plus intelligent, le plus dégourdi de tous, un charmeur qui savait toujours comment faire craquer sa mère. Elle me disait tout le temps « Un jour, je vais bien le punir », mais elle ne le pouvait pas. Pourtant, il a fait très vite des bêtises, mais ça, quand il n'y a pas assez d'argent. Je ne pouvais pas faire plus à l'usine. J'aurais pu lui filer des raclées, mais ça aurait servi à quoi? Je lui ai seulement dit que ces conneries, c'était son problème. Je ne voulais pas voir pleurer sa mère, ou sinon, que pour de bonnes raisons. Comme le jour où on a eu l'appartement. Alors là, oui, j'étais heureux de l'avoir pleuré devant la baignoire. Je savais qu'elle allait en parler à sa sœur pendant des semaines. Plus besoin d'aller au puits. Il suffisait d'ouvrir un robinet pour que l'eau coule. Je crois que les enfants n'ont jamais été aussi soignés. Non, on peut dire qu'elle se donnait du mal, et au moins, cela portait ses fruits avec Ossine. Un bon gars, celui-là. Jamais un pas de travers. Travailleur. Les maîtresses ne voulaient que des enfants comme lui. Toujours le sourire, poli. Il s'est bien débrouillé. Il a vite compris les choses. Effectivement, Ossine Boucharif était sans doute celui que Dutilleul connaissait le moins, pour ne pas dire pas du tout. Il menait une existence des plus classiques. Il s'était mis à travailler très tôt en multipliant les petits boulots, sans jamais négliger ses études. On était si fiers de lui, Latifa et moi. On lui disait de garder son argent pour lui, mais il voulait toujours participer. Il fallait le voir partir au petit jour, le week-end. Il faisait attention de ne pas faire de bruit, mais j'étais toujours réveillé. Quand on est habitué à se lever très tôt, on prenait notre petit déjeuner ensemble, on parlait de choses et d'autres, c'était sympa. Aujourd'hui, il fait des allers-retours entre ici et ailleurs, mais avec lui, je suis tranquille, il est sérieux. Si seulement Malik avait pu prendre exemple sur lui, ils s'entendaient si bien. Toujours fourrés ensemble. Enfin, on ne peut rien changer.